Au premier abord, l'affaire semble ridicule. Deux pigeons, découverts dans la voiture de Jacques Duclos, apporteraient la preuve que le numéro 2 du Parti communiste français comploterait contre la République. Car, bien évidemment, ces pigeons seraient des pigeons voyageurs qui permettraient aux dirigeants communistes de correspondre avec des émissaires de l'Est. Ridicule, oui, on le verra plus précisément au cours de ce nouvel entretien avec M. X. Mais, il ne faut pas l'oublier, l'affaire se passe en 1952, c'est-à-dire en pleine guerre froide. En Corée, une guerre monstrueuse qui a déjà fait plus d'un million de morts n'est toujours pas terminée. Et en Indochine, le corps expéditionnaire français, malgré une aide matérielle importante des États-Unis, a de plus en plus de mal à lutter contre le Viet Minh et subit de nombreux revers. Le Viet Minh, auquel, rappelons-le, le Parti communiste français apporte son soutien au moins intellectuel. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le monde vit dans la hantise d'une prochaine guerre, une guerre qui opposerait les deux blocs, une guerre qui serait nucléaire, puisque depuis 1949, l'URSS possède la bombe atomique. C'est dire combien la vie politique française est âpre et sans concession. Tous les coups sont permis. L'esprit de la résistance est bien oublié. À droite, on n'hésite pas à recourir aux services d'hommes compromis dans la collaboration, tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, chez les communistes, on épouse sans état d'âme une ligne sectaire et purement stalinienne. Front contre front, classe contre classe. Et à l'intérieur même du parti, prenant exemple sur les procès de Prague ou de Budapest, on épure et on condamne. L'époque est donc sans nuance et c'est dans ce climat fiévreux qu'intervient cette curieuse affaire des pigeons, une affaire, affirme M. X, beaucoup plus ténébreuse qu'on ne le pense. Et c'est vrai qu'on ne peut raisonnablement pas arrêter le secrétaire général par intérim du parti politique le plus important du pays sur la simple suspicion de possession de pigeons. Serait-il même voyageur? Que cache donc cette affaire? Pourquoi le gouvernement, dirigé alors par Antoine Pinet, a-t-il pris le risque d'arrêter Jacques Duclos? Monsieur X répond dans un instant. À quelle heure vous rendez-vous compte? C'est pas une façon, essayez de vous rappeler de toute façon. Si vous croyez, réfléchissez un peu. On sera amené à se revoir. Vous devez bien avoir une idée. On vous a entendu dire oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Allons, allons, un petit effort. Votre banque nous informe. Elle nous assure de sa considération attentive. Constatant une fois de plus que nous sommes amenés, sauf erreur de notre part, vous vous étiez engagés de vive voix. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, je jouais avec des phonèmes. Depuis quand ça durait? C'est Paris, pas cher, parc et moulure, cheminée découverte, cul à l'air, fallait bien que ça arrive. Combien tième mois? Elle nous a déclaré, vous lui aviez dit à l'oreille quelque chose. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui, peut-être, plutôt non, je ne sais pas, je jouais avec des phonèmes. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Le nom de Ridgway vous dit bien sûr quelque chose. Ouais, c'est un général américain. C'est... Oui, le général qui avait assuré le commandement des forces américaines en Corée sur ordre du président Truman. Il avait succédé au général MacArthur à qui on reprochait son impétuosité. Ouais, l'impétuosité, le mot paraît un peu faible, hein, parce que MacArthur préconisait quand même l'utilisation de la bombe atomique en Corée. Oui, c'est tout à fait exact. Mais les Américains n'étaient plus les seuls à posséder la bombe. Et utiliser l'arme nucléaire, c'était risquer des représailles atomiques soviétiques. Donc MacArthur a été remercié et aussitôt remplacé par son adjoint Ridgway. Mais en 1952, celui-ci quitte à son tour le théâtre des opérations et il est nommé au commandement des forces de l'OTAN. Le temps de le siège se trouvait alors en France. Oui, à Fontainebleau. Et fin mai, il doit rejoindre son QG. Mais c'est très important dans notre histoire. Un mois plus tôt, Ridgway a été victime d'une violente campagne. Expliquez. Il a été accusé par les Chinois et les Nord-Coréens d'avoir utilisé des armes bactériologiques en Corée. Mmh. Et quelque chose de vrai là-dessous ? Que certains docteurs Folamour américains y aient pensé, ça ne me semble pas improbable. Il ne faut quand même pas oublier que plus tard, au Vietnam, les Américains utiliseront de façon massive les défoliants, des produits chimiques excessivement dangereux, non seulement pour la flore et la faune, mais aussi pour les hommes. Mmh. Et aujourd'hui encore, les populations vietnamiennes en subissent les conséquences. Ouais, donc il est possible que l'arme bactériologique ait été utilisée. Je n'ai pas dit ça, car je n'en ai pas la preuve. Par contre, ce que je sais, c'est que cette campagne a été orchestrée par les communistes. Mmh. Des informations. Oui, une manœuvre qui a été montée très habilement par des spécialistes avec la complicité plus ou moins consciente des journalistes amis, des compagnons de route, comme on disait alors. Des gens qui, d'ailleurs, n'écrivaient pas forcément dans les journaux de gauche. C'était en effet plus habile et surtout plus efficace. Mais évidemment. Mais vous êtes certain qu'il s'agissait de désinformation ? C'est en 1951 que les premières accusations sont portées. Les Américains auraient parachuté au-dessus de la Corée du Nord des rats et des insectes porteurs de bacilles dangereux. Je me souviens qu'à l'époque, on a parlé de la variole ou du choléra. Aussitôt, vous imaginez bien, l'opinion publique mondiale s'émeut. Mais est-ce qu'on fait des vérifications ? C'est là où je veux en venir. L'Organisation mondiale de la santé se saisit de l'affaire et elle propose aux Coréens et à leurs alliés chinois d'envoyer une mission d'enquête sur place. Mais l'OMS essuie un refus. Curieux, non ? Vous voulez dire que s'il y avait eu un début de vérité, Coréens et Chinois auraient accepté avec enthousiasme ? Bien entendu. Or, ils accepteront plus tard que des enquêteurs se déplacent. Mais comme par hasard, ces enquêteurs appartiendront tous à des mouvements contrôlés par Moscou. Ouais, donc c'était truqué. À mon avis, oui. Ces enquêteurs, et parmi eux, il y avait d'authentiques savants, ont été facilement roulés dans la farine. Et après avoir interrogé quelques témoins, ils ont conclu que les États-Unis avaient effectivement utilisé des armes bactériologiques. Ouais. En raison de leur sympathie, leur curiosité était peut-être un peu émoussée. Tout le moins qu'on puisse dire. Enfin, passons. On sait que les Soviétiques en particulier ont toujours été des maîtres en matière de désinformation. Alors, si vous le voulez bien, revenons à Ridgway. À la fin du mois de mai 1952, le général américain doit arriver en France et le parti communiste qui l'a baptisé Ridgway la peste, décide de manifester spectaculairement contre sa venue. Spectaculairement, c'est-à-dire ? Depuis qu'ils ont été chassés du gouvernement en 1947, les communistes obéissant aux ordres de Staline mènent la vie dure au pouvoir qui se sont succédés. Et après l'échec des grandes grèves de 1947, ils croient tenir là une excellente occasion de batailler contre le gouvernement. D'autant qu'ils ont aussi entrepris un important combat contre la guerre d'Indochine. Oui, en essayant en particulier de perturber les envois d'hommes ou de matériel. C'est exact. Ouais. Le syndicat CGT des dockers est très actif dans ce domaine. En tout cas, le parti veut faire de cette manifestation contre Ridgway une démonstration de force. Ouais, une manifestation dure. Incontestablement. Les communistes cherchent l'affrontement et dans les cellules, il y a un mot d'ordre qui circule. Venez avec de gros manches et de petites pancartes. Le PC est donc décidé à en découdre sérieusement avec les forces de police. Oui, et comme les communistes savent faire, ils ont mis en place un dispositif très ingénieux. C'est-à-dire ? Le point de rassemblement est prévu, place de la République. Mais les dirigeants du parti n'ignorent pas que les forces de l'ordre leur interdiront l'accès à la place. Par conséquent, ils vont se débrouiller pour organiser un peu partout dans Paris des rassemblements qui, peu à peu, feront boule de neige. Les mots d'ordre sont précis, les consignes claires, les itinéraires reconnus, la manifestation ne peut pas échouer. Vous avez l'air très bien renseigné. Est-ce que les renseignements généraux ou la DST l'étaient autant à l'époque ? Bon, la police disposait d'informateurs, c'est certain. Et mais nous verrons ça tout à l'heure. L'un d'eux appartenait même à l'étage dirigeant du parti. Pour autant, il n'est pas facile de maîtriser ce genre de manifestation, car bien souvent, les lieux de rassemblement ont été donnés aux militants à la dernière minute. Donc pour éviter les fuites, justement. Bien sûr. En tout cas, c'est vrai, la manifestation a été excessivement violente. Tout à fait. Il y a même eu des coups de feu, et un manifestant, un Algérien, je crois, a été tué au cours des affrontements avec la police. Et le nombre de manifestants ? Les communistes ont prétendu qu'ils étaient 50 000. Et la préfecture de police? Entre 5 et 10 000. Alors on fait comme d'habitude, hein, une moyenne? Oui, alors disons 30 000. D'accord. Ce qui est relativement modeste hein, pour le PC. Vous avez raison, mais ce n'est pas le nombre qui comptait, c'était la détermination. Et puis les communistes avaient quelques comptes à régler. Oui, avec le pouvoir. Hein, le pouvoir et sa police. Surtout la police. Depuis longtemps, c'était la guéguerre. Les couleurs d'affiches du parti étaient systématiquement pourchassées, les rassemblements dispersés. Et une précédente manifestation avait été étouffée dans l'œuf par les forces de l'ordre. Étouffée dans l'œuf, c'est-à-dire ? Des militants avaient été arrêtés chez eux et placés en détention avant même d'aller pouvoir manifester. D'autres avaient été cueillis à la sortie du métro. Enfin bref, la préfecture de police avait déployé des forces considérables et le Parti communiste français avait été tenu en échec. Il y avait donc de la revanche dans l'air. Incontestablement. C'est pourquoi le parti veut frapper fort. Mais quand vous dites frapper... Exactement. Il y aura plus de 300 policiers blessés. Ce n'est pas rien. Mais le piège, car il y en a un, va se retourner contre les communistes. Et on garde finalement de cette chaude journée du 28 mai 1952 qu'une seule information. Et c'est celle de l'arrestation de Jacques Duclos. C'est ça le piège? Bien évidemment. Vous n'imaginez tout de même pas que le numéro 2 du Parti communiste français a été arrêté par hasard. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Duclos, secrétaire général par intérim du Parti communiste du fait de la maladie de Maurice Thorez, est sans doute l'un des personnages les plus populaires chez les militants. Petit, rond, accent rocailleux et regard pétillant derrière des lunettes rondes, il a un aspect bonhomme et chaleureux. L'ancien pâtissier de la région de Tarbes inspire immédiatement la sympathie. Mais... derrière cette affable façade, il y a un autre homme, plus secret. Un redoutable tacticien qui a été longtemps un clandestin. D'abord, avant la guerre, ou d'après les meilleurs spécialistes du parti, tels Stéphane Courtois ou Philippe Robrieux, Duclos a entretenu des rapports très étroits avec les services soviétiques et en particulier le NKVD. Pendant la guerre ensuite, Maurice Thorez étant parti en URSS, sans doute contraint par Staline, c'est Duclos qui dirige le parti dans la clandestinité. Et là encore, il est en liaison avec les services secrets soviétiques. C'est en particulier par l'intermédiaire de son poste émetteur que le chef de l'Orchestre Rouge, Léopold Trepper, communique avec Moscou. Lorsque Thorez revient d'Urss, Duclos lui cède la place. Il est à nouveau le numéro 2. Jusqu'à ce nouvel intérim lorsqu'en 1950, Thorez, malade, va se faire soigner en URSS. Duclos a donc joué un rôle essentiel dans la vie du parti. Et pour en terminer, j'emprunte ces quelques lignes à Stéphane Courtois dans un article de la revue L'Histoire, paru en octobre 1993. Duclos, célèbre dirigeant communiste français, homme politique très en vue pendant plus de 40 ans, a été pendant toute cette période un œil de Moscou à Paris. Duclos a fait partie du très petit nombre de dirigeants communistes qui ont exercé des responsabilités énormes dans tous les secteurs d'activité du mouvement communiste, national et international, de propagande et de renseignement. Moscou n'aura plus, par la suite, à son service d'homme de cette trempe et aussi accompli dans des registres si divers. Lors de son enterrement, où l'on vit réunis les plus hauts dirigeants communistes français, soviétiques et du monde entier, on a assisté à la fin d'un monde. Comment s'est passée son arrestation ? De façon très curieuse. Expliquez. Il est à peu près 22h ce soir du 28 mai. Mais à cette heure-là, j'imagine que la manifestation doit être pratiquement terminée. Oui, les rames de métro s'arrêtent à nouveau à la station République et la préfecture de police a levé son dispositif. Et Jacques Duclos, qui se trouve au siège de l'Humanité, rue du Louvre, décide de rentrer chez lui à Montreuil. Il est seul ? Bien sûr que non. Il a un chauffeur, un garde du corps et sa femme, Gilberte, qui se trouvait avec lui. Et l'auto ? Une grosse Hotchkiss noire. Une voiture très repérable. D'autant que, élément assez rare à l'époque, elle est équipée d'une antenne radio. Et d'ailleurs, la police prétendra plus tard que cette auto a été repérée l'après-midi à plusieurs reprises dans les secteurs proches de la République. C'est vrai ? C'est plausible. Duclos aurait très bien pu envoyer son chauffeur sur les lieux de la manifestation pour voir comment les choses se passaient. Mais c'est un détail. Donc, il est 22h et les époux Duclos regagnent leur domicile en empruntant le trajet habituel. C'est-à-dire que Duclos va passer à proximité de la place de la République. Oui. C'est ça, hein ? Oui. Il ne se méfie donc pas particulièrement. C'est juste, mais soudain, rue du Temple, il tombe sur un barrage de police. Oui, pourtant dit que la préfecture de police avait levé son dispositif. À l'exception de ce barrage. Et justement sur le trajet qu'emprunte ordinairement Duclos pour rentrer à Montreuil. Vous avez compris. Donc Duclos est attendu. C'est évident et la suite le démontre. Les passagers de la voiture sont fermement invités à descendre et les policiers commencent une fouille en règle du véhicule. Et pourtant, Duclos est parlementaire, il jouit donc d'une immunité. Une immunité qui ne peut être invoquée lors d'une procédure de flagrant délit. Et Jacques Duclos le sait très bien. D'accord, mais Duclos n'a commis aucun délit en circulant en voiture. Peut-être. Mais il y a ce que vont découvrir les policiers en fouillant cette voiture. Ah, on y vient, là, les fameux pigeons. Oui, deux pigeons qui viennent, ce sont les termes du rapport de police, d'être fraîchement étouffés. Et on reparlera de ces pigeons, si vous le voulez bien. Mais il y a autre chose dans la voiture. Et pour les policiers, c'est quasiment inespéré. Ah, racontez, alors. Sur l'une des banquettes se trouvent un revolver et une matraque. Il y a aussi un poste radio qui est peut-être un poste émetteur. Peut-être ? Oui, le poste de radio est forcément émetteur. Et les pigeons sont forcément voyageurs, vous comprenez ? Oui, parce qu'on peut montrer que Jacques Duclos se livre à des activités d'espionnage. Bien évidemment. Si le dirigeant communiste dispose de pigeons voyageurs et d'un poste émetteur, c'est pour communiquer clandestinement avec l'étranger. Et cela à un moment où une campagne orchestrée par le gouvernement accuse le parti de manœuvres séditieuses. On accuse le parti communiste de complot, c'est ça ? Oui, de complot contre la sûreté de l'État. C'est ce que déclare le ministre de l'Intérieur le soir même du 28 mai. Vous voyez donc que l'affaire est sérieuse. Et l'incarcération de Duclos n'est qu'une pièce du puzzle. Et le reste alors ? Une seconde. J'ai oublié un détail important, très important même. Lors de l'arrestation de Duclos, sa serviette est fouillée. Et à l'intérieur, les policiers saisissent un cahier sur lequel le dirigeant communiste a pris des notes sur les dernières réunions du bureau politique. Un document très intéressant. Et comment ? Car ce cahier va être bien sûr soigneusement analysé avant d'être rendu beaucoup plus tard à Duclos. Oui, mais est-ce que c'était légal cette saisie ? Absolument pas. Mais je vous l'ai dit, le gouvernement est décidé à engager la bagarre avec le PC. Et tous les moyens sont donc bons. Par ailleurs, je vous invite tout de suite à constater que Duclos a sans doute commis une grave erreur en transportant avec lui un document aussi confidentiel. ce que ne manqueront pas de souligner discrètement quelques-uns de ses camarades de la direction du PC. Enfin, là encore, nous y reviendrons. Ouais. Mais c'est un élément de ce piège auquel vous avez fait allusion tout à l'heure ? Bien entendu. Donc c'est la bagarre, et des informations sont ouvertes pour complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Contre Duclos ? Contre le parti. Quelques jours après la manifestation contre Ridgway, la police mène une série de perquisitions dans le département du Var, au siège de la fédération du parti et au domicile de quelques militants. Pourquoi dans le Var ? À cause de Toulon. Ah oui, la base navale. Oui, c'est souvent de Toulon que partent les matériels et les effectifs militaires à destination de l'Indochine. On veut trouver des documents établissant que l'action du Parti communiste contre le corps expéditionnaire français en Indochine relève de la trahison. Et on trouve ? Pas vraiment. Bien sûr, des documents de propagande contre la guerre ou manifestant la solidarité des communistes avec les combattants du Viet Minh sont découverts. Ouais, ils sont connus. Ils ont déjà été diffusés. Pourtant, le gouvernement s'entête. D'autres perquisitions ont lieu en province et même au siège du parti à Paris. Et là, sans nul doute, les policiers mettent la main sur de précieux documents. Prouvant la trahison ? Non. Mais des fichiers de militants sont saisis. Et la conséquence, ce sera une sévère épuration dans quelques administrations, et en particulier à la préfecture de police de Paris. On élimine les communistes. Ouais. Mais face à une attaque d'une telle ampleur, quand même, et puis à l'arrestation de son secrétaire général par intérim, comment réagit l'appareil ? Ça, c'est une question très intéressante. On pourrait en effet s'attendre à une riposte à la mesure de l'attaque. Or, pas du tout. Le parti adopte un profil très bas. Pas de grandes manifestations, pas d'actions spectaculaires. Seule la CGT réagit en appelant à une grève générale. Mais quelques jours plus tard, la centrale syndicale fait machine arrière et reconnaît que cet appel à la grève est une erreur. Ah bon, pour quelle raison ? Parce qu'il s'agit d'une action politique et que la raison d'être d'un syndicat, c'est la défense des travailleurs. J'ajoute que même au Parlement, où les communistes sont fortement représentés, les députés du parti ne font pas montre d'un activisme forcené. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment expliquer cette surprenante mollesse ? Le piège, toujours le piège. Le parti ne réagit pas. Parce qu'il n'est pas en mesure de réagir. Expliquez-moi maintenant. Bon, encore un peu de patience et je vous le promets, tout s'éclaircira. Duclos reste un bon mois en prison. Et assez habilement, ses avocats jouent sur sa mauvaise santé présumée. Vous voulez dire qu'il n'était pas réellement malade ? Ça, j'en suis persuadé. Mais il a réussi à faire croire que sa vie était en danger. Et le gouvernement recule. Jacques Duclos est libéré. Il faut dire qu'entre-temps, la fable des pigeons s'est considérablement dégonflée. Alors, expliquez-moi. Eh bien, figurez-vous qu'on a procédé à une véritable autopsie de ces deux malheureux volatiles. Une autopsie ? Oui, et on s'est aperçu qu'il s'agissait de pigeonneaux, promis à finir dans la cocotte des époux Duclos. Avec des petits pois, bien sûr. Petits pois dont on a retrouvé un kilo dans la malle arrière de la voiture du député communiste. Des pigeonneaux, donc, et en aucun cas des pigeons voyageurs. Bien sûr. C'était un des principaux chefs d'accusation qui tombait. Et plutôt que de sombrer dans le ridicule, le gouvernement a préféré ordonner la remise en liberté de Duclos. Et après tout, ça n'avait plus guère d'importance, puisque ceux qui avaient confectionné le piège avaient déjà en partie atteint leur but, même s'ils n'étaient pas décidés à en rester là. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. C'est le 1er juillet 1952, 32 jours après son arrestation rue du Temple, que Jacques Duclos est libéré. Une libération ordonnée par la Chambre des mises en accusation. Voici les attendus de ce jugement. Considérant qu'il ne résulte pas des constatations faites par la police dans les instants qui ont précédé l'arrestation de Jacques Duclos, ou au moment même de celle-ci, que ce prévenu ou l'un quelconque des occupants de la voiture automobile dans laquelle il se trouvait ait participé comme co-auteur ou complice aux manifestations qui se déroulaient sur la voie publique le 28 mai 1952, qu'un doute suffisamment sérieux sur l'existence même du flagrant délit impose à la Cour le devoir de faire respecter le principe de l'immunité parlementaire dont Jacques Duclos, député de la Seine, peut se prévaloir en vertu de l'article 22 de la Constitution française. Par ces motifs, la Chambre prononce la nullité des actes de poursuite et d'information exécutés à l'encontre de Jacques Duclos et, notamment, du mandat de dépôt décerné contre lui le 29 mai 1952. Naturellement, les auteurs de la manipulation, même s'ils avaient atteint une partie de leurs objectifs, je vous l'ai dit, ne pouvaient pas en rester là. Quelques jours après la libération de Duclos, une bombe éclate au domicile du président de la Chambre des mises en accusation, M. Didier. Parce qu'on lui reproche d'avoir fait libérer le dirigeant communiste ? Ça me paraît clair. À noter que ce magistrat, qui a été l'un des seuls, sinon le seul, a refusé de prêter serment au maréchal Pétain, était soupçonné d'avoir des opinions progressistes. Donc pour vous, le coup vient de la droite. Oui. Et c'est aussi à droite, j'imagine, qu'il faut chercher les auteurs du piège. Encore, oui, mais continuons. Duclos est donc libéré, sans doute grâce à cette ridicule affaire des pigeons. Mais les manœuvres anticommunistes ne sont pas terminées pour autant. Et certains ministres ne désespèrent pas de faire condamner le Parti communiste et ses dirigeants pour trahison. Mais toujours à cause de son soutien au Viet Minh. Bien sûr, ce qui juridiquement n'est pas évident. Car officiellement, la France n'est pas en guerre avec le Viet Minh. Mais il n'empêche qu'à l'initiative du gouvernement, le parquet militaire ouvre une information pour atteinte contre la sûreté extérieure de l'État. Vous avez dit certains ministres, hein, c'est ça, hein. Il n'y a donc pas unanimité au gouvernement. Non, le président du Conseil, Antoine Pinet, n'a pas très envie d'aller plus loin. Mais certains de ces ministres sont très remontés. Et lesquels ? Le ministre de l'Intérieur, Charles Brune, le garde des Sceaux, Léon Martineau Desplats, et quelques autres. Leur raisonnement est le suivant. Si les dirigeants communistes et le premier d'entre eux, Jacques Duclos, sont condamnés, ça évitera de prendre une décision encore plus difficile. Et laquelle ? L'interdiction pure et simple du parti. Parce qu'on y songe vraiment à l'époque. Oui, tout à fait. Et nos alliés américains ne cessent de nous y pousser. Là-bas, je vous le rappelle, on est alors en plein macartisme. Mais est-ce qu'il y a un début d'exécution ? En octobre, si ma mémoire est bonne, quatre dirigeants des jeunesses communistes et le deuxième secrétaire général de la CGT sont arrêtés. Imaginez le tollé si aujourd'hui on arrêtait le numéro 2 de la plus puissante centrale syndicale. Ce n'est pas fini. 8 jours plus tard, le parquet militaire demande l'autorisation de poursuivre 5 députés qui sont aussi les plus importants dirigeants du parti. Et parmi eux, il y a forcément Jacques Duclos. Mais bien sûr. Mais il faut d'abord obtenir la levée de leur immunité parlementaire. Hein. Les choses ne traînent pas. La demande est aussitôt transmise au président de l'Assemblée nationale, tandis que de nouvelles arrestations et perquisitions ont lieu. L'une d'elles est particulièrement spectaculaire puisqu'elle se produit à la Banque commerciale pour l'Europe du Nord. C'est la Banque des Soviétiques, ça. Exactement. La banque par où transite l'argent de Moscou, comme on dit. Et là encore, je suis sûr que pas mal de petits secrets du Parti communiste français ont dû être découverts. C'est vous dire en tout cas l'ampleur de l'attaque contre les communistes. Se termine de quelle manière ? Écoutez, si j'osais, je dirais un autre boudin. Mais beaucoup de bruit pour rien, c'est ça ? Oui. D'abord, le gouvernement Pinet démissionne à la fin de l'année. Et il faudra attendre presque un an pour que la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés communistes soit examinée par l'Assemblée. Examinée, refusée. Et ce refus est une sorte d'armistice. Mais à cette date, beaucoup de choses ont déjà changé. Quoi ? La mort de Staline, non ? La mort de Staline, oui. Et le retour de Torres en France. Et puis il apparaît maintenant de plus en plus clairement que l'Indochine française a vécu. Et avec elle, cette chasse aux sorcières à la française. Mais je vous l'ai dit, l'alerte a été chaude pour les communistes. Ouais. Et prétendez-vous, hein, ils sont tombés dans un piège, arrive. Peut-être temps de m'en dire un tout petit peu plus. Volontiers. Voyez-vous, depuis la fin des années 40, il s'est mis en place une véritable nébuleuse anticommuniste. Une nébuleuse que voulez-vous dire ? Une officine. Ou plutôt une série d'officines qui travaillent ensemble à détruire, ou tout à le moins fragiliser le Parti communiste. L'homme clé, Nous en avons déjà parlé ici même. Il s'appelle Georges Albertini. Oui, un ancien collabo. Oui, un homme qui, après quelques ennuis à la Libération, est devenu un spécialiste de la lutte anticommuniste et qui sera le conseiller occulte de plusieurs personnages éminents de la 4e République, et même de la 5e. Oui, on a parlé de Georges Pompidou, je me souviens bien. Sa discrète officine est financée par le patronat, mais les Américains ont mis aussi la main au porte-monnaie. Oui. Vous avez parlé de nébuleuse. J'y viens. Albertini a des liens très étroits avec la préfecture de police et son tout-puissant patron, le préfet Bello. Il existe dans ce bastion une véritable cellule anticommuniste où l'on trouve un personnage haut en couleur, le commissaire Did. Ouais, qu'on va retrouver un peu plus tard dans la manipulation de l'affaire des fuites. Oui, une affaire qui visait à discréditer Mitterrand et Mendès France par la même occasion. Did travaille main dans la main avec des anciens des brigades spéciales qui ont traqué les résistants pendant la période de l'occupation. Des hommes qui sont passés miraculeusement à travers les mailles du filet et qui ont offert leurs précieux fichiers au nouveau pouvoir. Et des fichiers sur les communistes. Bien sûr. Mmh. Enfin, on trouve dans cette nébuleuse des policiers des renseignements généraux et d'anciens communistes. Oui, mais leur action... Ils ont entrepris un véritable travail de sape. Leur but principal, c'est de miner le parti de l'intérieur, en suscitant des groupes d'opposition et surtout en introduisant la suspicion au sein même des instances dirigeantes. Oh, ce qui ne devait pas être trop compliqué, étant donné le stalinisme ambiant. Hein. C'est vrai, ils jouaient sur du velours. Et ils l'ont fait très habilement. Et comment alors ? Bien informés sur la vie interne du parti et les rivalités qui existaient au sein même du bureau politique, le gouvernement du parti, ils ont décidé d'exacerber les dissensions. C'est ainsi qu'ils ont créé de toutes pièces la fameuse affaire Marty-Tillon. Et Marty et Tillon qui finiront tous les deux par être exclus. Oui, Marty, c'est le mutin de la mer Noire, le seul dirigeant capable de concurrencer Thorez auprès de Staline. Et Tillon, c'est le héros des FTP, un personnage gênant parce qu'il a son franc-parler et qu'il a, lui, courageusement combattu sur le sol français au lieu d'attendre la fin de la guerre à Moscou. Enfin bref, vous l'avez compris, ce sont deux dirigeants qui tiennent un peu trop de place. Alors on va monter contre eux une machination. C'est cela, à base d'intoxication policière. Et les officines dont je vous ai parlé vont apporter au procureur du parti un dossier fait sur mesure. Non seulement on leur fait savoir que Marty et Tillon se rencontrent secrètement... Ce qu'on appelle au parti du travail fractionnel. Exactement. Hein. Ouais. Mais en plus, on insinue que Marty a des contacts avec la police, mais aussi avec des éléments titistes, à une époque où Tito, justement, est l'homme à abattre. La conséquence, c'est qu'un véritable procès en sorcellerie va être instruit contre Marty et Tillon, son complice. Tout cela est faux ? En grande partie, oui. Enfin, l'important, c'est que les procureurs du parti y croient. Tout ça veut dire, en tout cas, que ces manipulateurs possédaient au moins un excellent informateur à l'intérieur du parti. C'est juste. Il y avait une taupe. Pas au bureau politique, mais pas très loin. Un homme qui pouvait non seulement transmettre des informations à ses spécialistes de l'anticommunisme, mais aussi distiller son venin à l'intérieur même de l'appareil. Alors c'est donc cela le piège. Bon, laissez-moi vous expliquer. Le premier acte du procès Marty Tillon a lieu le 26 mai 1952. Attendez, le 26 mai, ça c'est deux jours avant la manifestation contre Ridgway. Oui, et donc deux jours aussi avant l'arrestation de Jacques Duclos. Bizarre, non ? Et j'imagine que vous ne croyez pas à la coïncidence. Non, non, comme je ne crois pas non plus que Duclos, un dirigeant méfiant aguerri à la clandestinité, ait pu commettre l'imprudence de traverser Paris au soir d'une manifestation très violente et avec des documents confidentiels dans sa serviette. Ouais. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé, non ? Alors, il n'y a qu'une seule explication. Quelqu'un fort de ses contacts avec la préfecture de police a assuré Duclos qu'il pouvait rentrer tranquillement chez lui. Quelqu'un qui savait donc qu'un barrage de policiers attendait le dirigeant communiste rue du Temple. Voilà le piège qui a été tendu à Duclos. Mmh. Et le relatif silence du PC après l'arrestation ? Le parti était complètement paralysé par l'affaire Marty-Tillon. Mais à l'extérieur, personne ne le savait encore, sauf Albertini et ses complices. Mmh. Dernière question. Duclos, lui, connaissait donc l'homme qui l'a fait tomber dans le piège ? Pas forcément. Il y a peut-être eu un intermédiaire. Et puis même s'il le connaissait, vous pensez que Duclos se serait vanté d'être tombé dans un piège aussi grossier ? Non, croyez-moi, il fallait mieux qu'il garde le silence. Sur l'affaire Marty-Tillon et les manipulations policières de ces années-là, je vous recommande un livre récent de Frédéric Charpier, « Les Hergé et le Parti communiste » paru chez Plon. D'autre part, dans le deuxième tome de son « Histoire de la 4e République » paru chez Fayard, Georgette Elgey cite un important responsable de la police, des propos qui confirment en partie la thèse de M. X. Nous avons réussi à faire publier dans des journaux communistes de province de faux articles de François Billou, dactylographiés sur papier du parti et rédigés de telle façon que les communistes locaux s'y trompaient. Nous avons réussi à nous procurer le compte-rendu enregistré des discussions de 20 fédérations communistes. Nous avons réussi à savoir pendant un temps l'essentiel des délibérations du bureau politique. Les communistes ont accusé André Marty de nous renseigner. C'était faux, mais il se confiait en toute bonne foi à quelques personnes et l'une d'entre elles travaillait avec nous. Nous envoyions des faux émissaires dans les départements, munis de directives opposées à celles du PC, en expliquant que les consignes officielles constituaient une manœuvre pour tromper le gouvernement. Les communistes devenaient enragés. Je vous retrouve samedi prochain et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur Internet. Notre adresse www.franceinter.com.